horizon, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Honte à toi, femme à l'œil sombre, dons et funestes amours m'ont enseveli dans l'ombre, mon printemps et mes beaux jours. C'est ton regard corrupteur qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. C'est ta jeunesse et tes charmes qui m'ont fait désespérer. Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. Honte à toi, j'étais encore si simple qu'un enfant. Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant. Certes, ce cœur sans défense put sans peine être abusé, mais lui laisser l'innocence était encore plus aisé. Honte à toi, tu fus la mère de mes premières douleurs, et tu fis de ma paupière jaillir la source des pleurs. Elle coule, sois-en sûr, et rien ne la tarira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira. Mais dans cette source amère, du moins je me laverai, et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir aboré. Dans cette source amère, je me laverai, et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir.